donne plus ma confiance, sans doute par peur qu'on en profite. J'cap l'homme depuis l'enfance et des fois pour rien j'cogite. Car je n'ai plus qu'une vision comme un cyclope, stop. Mes gestes de bonté montés avec moi et deux M dans notre univers. Univers, espoir d'avoir des lendemains heureux. Mais y croire c'est trop dangereux, car plus durer la chute lorsqu'on tombe de très haut. Moi depuis 2005 j'ai le parachute collé au dos. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors j'assemble des syllabes sur des fonds de violon ou de piano. D'autres font chauffer les cylindres mais tombent violemment dans le panneau. De la vitesse excessive, Vénès kiffe pas la mort. Au prochain carrefour, carrefour et l'impact alors. D'impact imaginaire, on essaye de se relier aux défunts. Image d'hier dans nos yeux qui brillent quand on regarde les étoiles. Et les souvenirs s'écaillent au fur et à mesure des constellations. Inspiration de fumée pour expiration d'amertume. Quand on allume des cigarettes, allez tant pis si t'arrêtes. Tout sur un coup de tête puissant comme celui sur Materazzi. Quand on réalise nos vies fonce en Maserati. Du coup trop sous psychotrope. Ici c'est psychose drogue. Les années passent, les fleurs fanent, le cœur en panne on serre fort. Les dents vues comme un sourd faut décrypter les dangers qui comme un son se révéleraient impossible à intercepter. Car quand le mal est fait, impossible d'interjecter appel. Moi si tu m'aimes, j'en doute, je sais que tu m'as trompé. Pourtant ma puce en nous j'avais cru et donc tout donné. Tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de faille au sein de notre amour. Tout est réduit à néant, tu n'es plus la seule qui m'aille à ce jour. Ton coup de garce résonne comme un coup de grâce. Je ne suis plus l'ombre que de moi-même, je n'ai plus que ma haine envers toi. Explique-moi pourquoi tu m'as trahi. Si l'amour est si beau, pourquoi trop tombe-t-il si bas? Tout comme mon moral, putain c'est pas normal. Nos mal de crâne nécessitent alors tous du travail. Mal. Oui dans le fond on a très mal. Et nos larmes se cachent toutes au fond d'une chambre. Et dans sa voûte résonne d'octobre à septembre. Elle coule sur nos joues sous la gravité de désillusion. Attendant ce jour où sera passée de peine notre effusion. Eux veulent tout trop vite. Mais que peut dire une mère lorsqu'on lui demande pourquoi? Quand carte postale seront les tropiques. Sans doute par peur qu'on en profite.